De nouveaux commerçants vous accueillent, pages 5, 6 et 7. Des portraits illustrent les différents articles, ils représentent les responsables et ou les équipes des magasins concernés. La Canuda, bar tapas snack. Jérôme et Carmen Le Breton se sont installés le 26 avril 2016, place Paul Doumer. Ce couple franco-espagnol vous accueille dans une ambiance chaleureuse où vous pourrez vous désaltérer en dégustant leur spécialité, les tapas. Si vous souhaitez déjeuner ou dîner, des sandwichs, des salades et des plats chauds vous sont également proposés sur place, à emporter ou en livraison à domicile. Horaire, du lundi au jeudi de 11h45 à 14h et de 18h à 22h30, le vendredi de 11h45 à 14h et de 18h à 1h30, le samedi de 18h à 1h30. 7 place Paul Doumer, téléphone 02 43 70 30 26 ou 06 45 27 16 30. Site web www.lacanuda.fr. Facebook La Canuda. Flash et mode. Ancienne vendeuse à domicile et commerçante de prêt-à-porter sur les marchés, Nathalie Foissier a souhaité ouvrir sa propre boutique de mode pour femmes. Accessible à toutes, elle offre depuis début octobre une large gamme de vêtements de la taille 36 à la taille 54. De nombreux accessoires féminins, bijoux, sacs à main et masculins, ceintures, sont également proposés. Horaire, le lundi de 14h30 à 18h30, du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le vendredi de 9h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 1 rue Thiers, téléphone 06 12 51 06 41. Facebook Flash and Mode, en un seul mot. Art Inside. Pendant 20 ans, Jean-Dominique Sauré a travaillé en tant que courtier en œuvres d'art auprès de professionnels, galeries d'art, artothèques, musées. Auparavant itinérant, il a décidé d'ouvrir sa propre galerie fin novembre 2016 à Château-Gontier-Bazouges. Il pratique le même métier, mais en sédentaire, avec l'envie de partager avec tous. Peinture, estampes, sculpture, photographie. À découvrir, place Paul Doumer. Horaire, le mercredi et vendredi après-midi, le jeudi et samedi toute la journée et sur rendez-vous. 13 place Paul Doumer, téléphone 06 80 23 57 75. SOS Pizza Poulet. Ancien salarié dans la restauration, Anaïs Barré et Geoffroy Marot se sont lancés dans l'aventure d'un nouveau commerce de restauration rapide. Les clients ont le choix entre des sandwichs, des hamburgers et des pizzas à la carte ou en formule. Des poulets rôtis sont également proposés à la vente. Tous ces produits sont à consommer sur place, à emporter ou en livraison à domicile. Horaire, le lundi de 10h30 à 14h et de 17h30 à 22h, le mardi de 10h30 à 14h, du jeudi au dimanche de 10h30 à 14h et de 17h30 à 22h. 54 avenue Carnot, téléphone 02 43 07 01 92. Facebook SOS Pizza Poulet. Coriolis. La boutique Coriolis a ouvert ses portes avenue Maréchal Joffre le 17 octobre 2016. Véronique Morin, responsable du magasin, assure un service de vente et de conseil sur la téléphonie mobile et la connexion Internet des réseaux SFR et Orange. Elle saura également vous garantir un service après-vente de qualité par son expérience dans le domaine depuis plusieurs années. Horaire, du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h. 10 avenue Maréchal Floffre, Facebook, Coriolis Télécom, Château-Gontier. Univeda. Cette nouvelle boutique de produits bio et naturels a ouvert ses portes le 22 octobre 2016. Hélène Canu, responsable de magasin et ancienne esthéticienne, sera vous conseiller dans le choix de vos cosmétiques et produits de maquillage. Plusieurs marques pour hommes, femmes ou enfants vous sont proposées comme Douce Angevine, Joveda, Cure Bazar ou bien encore Univeda. Horaire, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 14 rue René d'Anjou, téléphone 09 51 24 29 76. Site web www.univeda.fr. Facebook Univeda Château-Gontier. Au poil mayennais. Installé depuis le 1er septembre 2016, Grégory Ferron vous propose un large choix de poils, de cheminées, d'inserts, à granules ou à bois, de la marque Steuve. Installateur depuis 15 ans, il vous conseille et assure l'installation, l'entretien et le ramonage de vos appareils. Son secteur d'activité se situe sur les départements de la Mayenne, de la Sarthe et sur le nord de l'Anjou. Horaire, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi, de 9h à 13h. 33 avenue Aristide Briand, téléphone 02 43 00 70 66 ou 06 85 71 06 40. Site web www.poil-mayennais.fr. Facebook Au Poil Mayennais. Boutique de créateurs. Créatrice de bijoux et d'accessoires pour femmes et enfants, Brigitte Giraud-Vallet, Émilie Chêne et Marie Hérissé avaient créé leur boutique en 2014. Elle est désormais permanente. Ses nombreux produits sauront satisfaire toutes les bourses. De la maroquinerie par Boa Créa, des bijoux fantaisie et colorés par Miss Pompon ou bien encore des bijoux argent et du textile en tout genre par M. Créa. Ces passionnés accueillent également des produits de créatrices du territoire. Horaire, le mercredi de 14h30 à 19h, le jeudi de 10h à 12h30, le vendredi de 14h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 3 place Paul Doumer. Courriel, boutique de créateur 53 en un seul mot, @gmail.com. Facebook, boutique de créateur 53. Atelier cuisine. Installé depuis le 15 décembre 2016, Jérémy Devers et ses associés, Sébastien Pichon et Jean-Marie Lépine, succèdent à Guy Beaujean, ancien gérant du magasin. Véritable spécialiste de l'agencement intérieur, cette entreprise vous propose un large choix de cuisine, salle de bain, rangement, bibliothèque, meubles télé. L'ensemble des produits fabriqués en France est destiné aux particuliers. Horaire, le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h30. 24 rue Alsace-Lorraine, téléphone 02 43 07 98 53 ou 06 73 73 06 92. Courriel, contact, @, atelier cuisine au pluriel en un seul mot, .fr. Site web, www.atelier.cuisine au pluriel, .fr. Facebook, atelier cuisine. We Will Ink Tattoo. Wilfrid Elliot Saudray a ouvert son studio de tatouage le 15 novembre dernier. Artiste tatoueur depuis 4 ans, il est spécialisé dans le tatouage graphique, géométrique et abstrait. Ce passionné de dessin a développé son talent grâce au savoir-faire d'un ami tatoueur confirmé depuis plusieurs années. Il exerce sa profession sur toutes les personnes âgées de 16 ans, avec autorisation parentale et plus. Horaire, le lundi de 14 à 18 heures, du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures. 13 avenue Joffre, téléphone 06 65 13 19 58. Courriel wewilltattoo@yahoo.com. Facebook Tattoo WeWill. Hama Gallery. Le 8 novembre 2016, Leshuga Anne-Marie, ancienne formatrice pour adultes dans l'accompagnement à l'emploi, s'est installée dans la commercialisation de produits artisanaux fabriqués dans le monde. Elle propose de nombreux bijoux provenant du Niger ou du Japon, des textiles en lin, en cachemire, en soie ou en coton bio réalisés par des femmes du Mali et du Burkina Faso, des sculptures en ébène fabriquées au Bénin. L'ensemble de ces articles est créé à la main. Horaire, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Pour les artisans, créateurs intéressés par la vente de leurs produits en magasin, prendre rendez-vous le mardi. 4 rue des Pintiers, téléphone 06 44 74 74 21. Courriel Hama Gallery en un seul mot @gmail.com. Facebook Anne-Marie Leshuga. La pause. Le 15 août 2016, Célina et Éric Cerveau ont emménagé dans leur nouveau local au village des commerçants de la Motte Vauvert pour développer leur activité. Précédemment situé au quai numéro 6, rue Charles de Gaulle, ils cherchaient un espace plus accessible et plus fonctionnel pour recevoir leur clientèle. Ils proposent de la restauration le midi avec 2 formules, le tout étant fait maison. Un coin bar, tabac, presse et jeux à gratter. Ils font également des pots de pain et poulet rôti à emporter. Horaire, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le dimanche de 8h à 19h. Avenue Éric Tabarly. Téléphone 02 53 68 58 44. Maison Solet. Le 1er février 2017, l'ancienne bibliothèque faisait peau neuve avec l'ouverture d'un showroom. Maison Solet, dirigée par Édouard de Quatrebarbe, le responsable, Christelle Deschères et Brune Hubert. Il vous accueille dans ce lieu élégant, spécialisé dans l'ameublement et la décoration d'intérieur. Venez découvrir une gamme de produits de style classique, de meubles anciens revisités et fabriqués avec des matériaux nobles. Horaire, du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. 22 rue Jean Bourré, téléphone 02 43 70 15 56. Site web www.solet.com. Facebook Maison Solet. Boucherie Bois-Ramé du Faubourg. Installée pendant 11 ans à Quelaine-Sainte-Go en tant que boucher charcutier, Éric et Céline Bois-Ramé ont décidé de se délocaliser à Château-Gontier-Bazouges en reprenant la boucherie Gautier. Ouvert le 24 février 2017, il vous propose de nombreux produits locaux, achetés dans les fermes du secteur, en boucherie et en charcuterie, et des plats traiteurs à emporter. Horaire, le mardi et le mercredi, de 8h à 13h et de 15h à 19h, le jeudi de 8h à 13h, le vendredi de 8h à 13h et de 15h à 19h30, le samedi de 8h à 19h30, le dimanche de 9h à 12h30. 3 places Kinefo, téléphone 02 43 12 64 15. Au cours des Halles. Le 7 février 2017, ce commerce de détail spécialisé en fruits et légumes, épicerie fine et fromagerie a réouvert ses portes après avoir modernisé son image. Ouvert depuis 2010, les gérants, messieurs Rabineau et Houry, ont souhaité apporter de la nouveauté en agrandissant le magasin de 85 mètres carrés et en le rajeunissant dans son ensemble. Leur mode de fonctionnement reste le même, avec la valorisation d'une production française et un partenariat avec les producteurs locaux. Horaire, du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Du vendredi au samedi de 9h à 19h. 7 route de Sablé, téléphone 02 43 09 08 68. Site web www.aucoursdeshalles.com. Facebook, Au cours des Halles.